Chapitre 16e. Les tombes vampires. Paulin Broquet, n'ayant rien trouvé dans le bureau qui pût lui donner à redouter un danger, revint dans le hangar. Le veilleur, dit-il, passant près de ses amis et de la quiche, dort comme tout bon veilleur. Muni de la lanterne, il fit l'inspection du hangar. S'avançant dans l'allée centrale, il alla jusqu'au bout, jusqu'à la grande porte donnant sur le quai, par laquelle entraient et sortaient les sacs et les tonneaux à leur arrivée ou à leur expédition. C'était une porte à double battant qui avait toute la largeur du hangar. Une énorme barre de fer la fermait, retenait les deux battants, et cette barre se trouvait mordue par un gros cadenas fermé à clé. Paulin Broquet étudia tout cela attentivement. « Bon, se dit-il, c'est bien fermé, trop bien fermé même. Je dois donc me montrer tout à fait rassuré. On ne peut pénétrer du dehors, c'est parfait. Faisons comme si j'étais dès maintenant tout à fait tranquille, absolument sans la moindre inquiétude et sans méfiance. » Il revint sur ses pas, élevant toutefois de temps en temps la lanterne, regardant les piles de sacs, les tonneaux. Il remarqua que quelques sacs lui semblaient plus aplatis que d'autres, le ciment s'en échappait. Ces sacs devaient être fendus en long et replacés fente contre fente, deux à deux, pour que leur poids maintînt leur contenu, empêchât le ciment de couler par l'ouverture. Il remarqua aussi, en donnant au hasard quelques coups sur le couvercle de plusieurs tonneaux, que ces couvercles n'étaient pas cloués, mais seulement posés sur le ciment qu'ils couvraient, ce qui est un défaut car le ciment s'évente facilement. Paulin Broquet prit une pincée de ce ciment, il le roula dans ses doigts pour en reconnaître le grain, la qualité, il le mouilla d'un peu de salive. « Oh !» fit-il. « C'est du ciment à prise rapide pour les travaux hydrauliques. » On a encore exagéré ses qualités par un moyen chimique. En quelques secondes, ce ciment dans l'eau doit se coaguler, faire prise, devenir dur comme de la pierre. Paulin Broquet fit aussitôt toutes les suppositions que cette remarque pouvait faire naître en son esprit, sans cesse aux aguets. Il regarda alors le sol. C'était de la terre battue dans la majeure partie du hangar. Mais un peu plus près du bureau, un plancher commençait. Le plancher sur lequel, précisément, étaient posés les barils de ciment au couvercle mal fermé. Paulin Broquet vint donc encore sur ce plancher. Il appuya du pied, remua. Il lui sembla que ce plancher bougeait quelque peu. « Hum, fit-il, « voilà qui est singulier. Un plancher appelé à supporter l'énorme poids de tant de sacs, de tant de tonneaux, ne devrait pas avoir de ses faiblesses. » Comme il faisait le tour de ce plancher, le mesurait, l'étudiait, la quiche lui cria « C'est par ce plancher qu'on communique à la cave, il est mobile. Et tenez, à votre droite se trouve la porte de la cave, par où nous allons descendre. Ah oui, oui, parfaitement, fit Paulin Broquet. Je m'en doutais, c'est ce que je cherchais. Mais il pensa, ce plancher truqué, c'est de là que viendra le danger. Pour mettre en garde ses lieutenants, leur faire part de sa découverte, il donna du pied le signal convenu le soir. Il tapa deux fois, puis frotta sa semelle sur les planches et enfin donna un dernier coup. Puis, très calme, il dit « Descendons ». La quiche cessa de s'appuyer de l'épaule à la poutre. Il fit, toujours accompagné par l'amorce, quelques pas sur le plancher. La terreur d'Ornano s'essuya les yeux d'un revers de main. Il se leva et vint avec Gabriel jusqu'au plancher également. « Ah » murmura-t-il. « Ce Broquet, maintenant qu'on va voir le corps de cette femme, il me semble que quelque chose se déchire en moi. C'est bête. J'ai plus de force. J'ai plus de courage. Ça y est bien. Allez, j'ai le cœur écrasé. Je suis bien chippé. Allez. C'est bon, dit la quiche. Tu chanteras ta romance d'amour après. Perdons pas de temps. Lève-nous la trappe. » La terreur d'Ornano se pencha, saisit un anneau de fer et tira. La trappe s'ouvrit. Le volet qui la fermait n'avait guère plus d'un mètre carré. Il montra en se rabattant sur le plancher un trou carré et noir, par lequel une bouffée d'air froid, humide, vint frapper au visage ceux qui se penchaient sur lui. L'air sentait le moisi, la cave. Paulin Broquet, penché sur la cave, descendit la lanterne par l'ouverture, la promena dans le trou noir. « Ah ! » fit-il. « Voilà l'échelle. Allons-y. » L'amorce fit avancer la quiche. « Passe !» dit-il. La quiche s'engagea sans hésitation sur l'échelle. L'amorce descendit immédiatement à un échelon de distance, s'appuyant aux épaules de la quiche. « Look out !» lui dit Paulin Broquet. « Light !» Aussitôt, l'amorce, par-dessus la tête de la quiche, fit briller la lampe électrique de poche qui jeta dans la cave une clarté inattendue, dont, à vrai dire, la quiche ne se montra aucunement surpris. La lampe de l'amorce, comme toutes ces lampes portatives, n'avait pas une puissance très grande, mais son rayonnement suffisait pour éclairer entièrement cette cave, qui, à vrai dire, était plutôt un caveau de quelques mètres carrés. La cave contenait peu de choses, des vieux barils défoncés, des sacs hors d'usage, des outils, de vieilles brouettes bonnes pour la ferraille. C'était un coin à débarras. Les murs humides suintaient. Un gros tuyau grimpait dans un angle. À la lueur de la lampe de l'amorce, Paulin Broquet vit que le long de ce tuyau un câble de fil de fer souple courait. Ce câble brillait. Il était donc neuf, tout nouvellement placé, n'ayant pas eu le temps de se rouiller. On avait oublié de le noircir, de le couvrir d'une couche de peinture qui l'eût rendu moins apparent. Peut-être aussi avait-on, en le posant, pensé qu'on ne le verrait pas dans la nuit. Ou bien encore n'y avait-il aucune raison pour qu'on le dissimulât. Cependant, ce câble ne parut pas très logique à Paulin Broquet. Il se demanda quel pouvait bien être son usage, à quoi il servait. Il se promettait d'aller, une fois descendu, vérifier la destination de ce câble inquiétant. Paulin Broquet descendit derrière l'amorce. Puis vint la terreur d'Ornano. Gabriel fermait la marche. L'échelle qui reliait la cave au hangar était une simple échelle vieille, fruste et peu solide. Dans cette humidité, elle se détruisait peu à peu. Ce fut un miracle si elle ne céda pas sous le poids du colosse, la terreur d'Ornano. La cave avait à peu près 3 mètres de profondeur. Maintenant, Paulin Broquet, ses lieutenants, la quiche et son copain la terreur se trouvaient dans la cave. L'amorce, sur un signe de son chef, éteignit la lampe, et l'on n'eut plus pour y voir que la lueur sinistre du fanal grillagé. Le sol de la cave était gras, inégal et couvert de boue, de flaques d'eau. Paulin Broquet regardait de tous côtés, cherchant à découvrir le piège qu'il flairait, mais qu'il ne devinait pas encore. Il vint à l'angle où courait le tuyau, mais devant était un encombrement de divers matériaux. Il ne put voir où allait le câble, comprendre sa destination. Mais la terreur d'Ornano douloureusement s'écria. « Oh les lâches! C'est ici qu'ils l'ont caché ?» Puis il demanda à la quiche. « Eh ben, où qu'ils l'ont mise ?» Paulin Broquet avait remarqué que nulle part on ne voyait trace de terre remuée, que rien n'indiquait qu'on eût ici creusé une fosse. La question de la terreur d'Ornano vint donc à propos. « Où qu'ils l'ont mise ? » demanda-t-il encore à son copain. « Je ne sais pas. Je sais qu'ils l'ont mise ici, dans cette cave, mais où et comment ils l'ont cachée, je ne sais pas. On va chercher. » « Commençons donc par dégager ce coin. » dit Paulin Broquet, désignant l'angle où se trouvaient le conduit et le câble mystérieux. Comme la quiche, sans faire aucune objection, s'emparait pour les retirer des divers objets sur le plancher du hangar, soudain 2 coups de pied furent frappés. Paulin Broquet, ses lieutenants, voire la terreur d'Ornano, sursautèrent. Après les 2 coups, on traîna la semelle sur le plancher. Enfin, 1/3 coup fut donné. C'était le signal des Broquets. Qu'est-ce que c'est ? Demanda la terreur d'Ornano. « Bouge pas !» lui dit vivement Gabriel. « Bouge pas !» Mais le 3e coup de pied n'était pas donné au plancher que Paulin Broquet s'était jeté sur la quiche. En un clin d'œil, il l'avait jeté sur l'amas de morceaux de bois, de sacs, de ferraille. Avant qu'il ait pu pousser un cri, il lui enfonçait dans la bouche un mouchoir. Puis, secondé par l'amorce, il lui enlevait sa blouse bleue, sa casquette. Il lui passait son par-dessus à lui, Paulin Broquet, son par-dessus gris clair, très visible, très reconnaissable, le coiffé de son chapeau, et un poignard à la main, il le menait ainsi accoutré jusqu'au pied de l'échelle. « Un mot, » lui souffla-t-il dans l'oreille, « un geste, et je te tue. » Par l'ouverture de la trappe, une voix se fit entendre. « Chef, vous êtes là ? » demanda-t-on. « Oui, » répondit le détective, « qu'est-ce qu'il y a ?»« Vite, montez, danger, vous êtes trahis, les aides sont là, montez, je viens. » Paulin Broquet fit mettre à la quiche le pied sur les échelons et lui tenant la pointe de son poignard dans les côtes lui dit « Monte !» La quiche voulut résister, arracher son baillon qui l'étouffait. Mais d'un mouvement, Paulin Broquet lui tordit les poignets si douloureusement que les mains du misérable tombèrent sans force comme brisées. Il étouffait. Se sentant perdu, ne pouvant ni se défendre ni crier, la quiche pensa trouver son salut dans la fuite. Il grimpa précipitamment les barreaux de l'échelle. Il était à peine hors de la trappe, qu'il était pour ainsi dire happé, puis enlevé, et qu'il s'abattait, le crâne fracassé à coups de massue. la poitrine percée de coups de poignard. En même temps, des cris de joie, des rires, des insultes retentirent. Les aides chantaient leur triomphe. Ils avaient enfin tué Paulin Broquet. « Ça y est, le malin des malins, celui qu'il faut tuer plusieurs fois, le voilà, ça y est !» Ils tiraient par les bras, par les pieds le cadavre, jouaient avec lui, faisaient sur lui de macabres plaisanteries. Pour un peu, comme des sauvages, dans leur allégresse, ils eussent dansé autour de ce corps. La quiche était tombée face à terre. La blessure du crâne qui le tua net avait couvert sa figure de sang, d'éclaboussures de cervelle. La poussière du plancher, le ciment couvrant d'un masque horrible sa face, le rendait méconnaissable. Les aides pouvaient croire vraiment, ne se doutant pas de la substitution de costumes opérés dans la cave, qu'ils avaient cette fois remporté la belle, la définitive victoire, que le cadavre dont ils se moquaient était bien celui de leur terrible ennemi tant redouté, si formidablement haï. « Vive Zigomar » criait-il. « Zigomar enfin vainqueur ! Zigomar toujours maître ! Vive Zigomar !» Ils clamèrent, levant les bras, agitant les massues, les poignards, d'où le sang de la victime coulait encore jusque sur leurs mains qui les tenaient. Ils crièrent « Zalavie, Zalamort !» Les uns, revêtus de cagoules noires, entouraient quatre ou cinq chefs, portant eux la cagoule rouge, au milieu desquels se tenait Zigomar, dont la cagoule de soie rouge s'ornementait du Z en galons d'or. Les cagoules noires portaient des fanaux, des lanternes, prises dans le hangar sans doute, les cagoules rouges tenaient des petites lampes électriques. Tous, comme rendant un hommage, exprimant leur enthousiasme, manifestant leur vénération, dirigeaient les rayons de leurs fanaux, de leurs lampes, sur l'homme à la cagoule que zébrait le Z en galons d'or. Et ce tableau fantastique était terrifiant. Paulin Broquet le regardait, car après l'assassinat de celui qu'on avait pris pour lui, il était habilement, promptement, sans donner l'éveil, sorti de la cave. Pendant tout ce tapage, tout ce mouvement, on avait oublié la quiche. Celui qui était le nouveau la quiche avait pu se glisser à l'écart. On croyait sans doute que le vrai la quiche était maintenant, comme ses compagnons, revêtu de la cagoule. On pouvait penser qu'il avait pris place parmi les aides, et qu'avec eux, ayant rempli la mission dont on l'avait chargé, contribué à la victoire, il prenait sa place dans l'exaltation du triomphe de Zigomar. Paulin Broquet, profitant de cela pendant ce temps, dis-je, se tenait à l'écart, caché derrière une pile de sacs de ciment. Il regardait ce tableau dramatique et attendait l'instant propice où il aurait à commencer l'attaque à son tour. En ce moment, attaqué, se lançait contre tous ces hommes enflammés par l'assurance de la victoire, ces hommes nombreux, c'était courir à la défaite certaine, à la mort fatalement. Puis, c'était aussi compromettre la vie de ces deux lieutenants, restés encore dans la cave, qui ne pourraient en sortir et se défendre. C'était vraiment bien imprudemment chercher le désastre. Paulin Broquet ne bougea donc pas, se tint dans l'ombre. Très calme, il attendit non plus son heure, mais sa minute, sa seconde. Son revolver infaillible en main, il guettait l'instant, si court qu'il fût, où il pourrait placer entre les deux trous sinistres de la cagoule rouge, qui cette fois ne revêtait pas, comme à la Barbotière, un mannequin, où il pourrait placer une de ses balles blindées et abattre, lui, l'homme de la justice, ce porteur de Z en or, le roi du crime. Mais une des poutres énormes qui soutenait le toit du hangar protégeait constamment Zigomar. Paulin Broquet ne trouvait pas le moyen de tirer. Les aides, ne soupçonnant pas qu'ils étaient ainsi épiés, se livraient sans contrainte à leur joie féroce, et cela avait un caractère de grandeur spécialement dramatique. « Mes amis, » dit à ce moment Zigomar, ayant imposé le silence, « avec un homme comme celui que nous venons de vaincre, on ne saurait, vous le savez, prendre trop de précautions. Nous avons cru le tuer déjà deux fois. Cet adversaire merveilleux, unique, nous échappa miraculeusement. Aujourd'hui, il est mort. Le voici. Car Zigomar vient toujours à bout de ses ennemis. Et défie les miracles. Le voici à terre, à nos pieds. Pour être bien sûr qu'il n'en reviendra pas, cette fois nous allons le mettre dans la tombe d'où il ne pourra jamais sortir. La tombe, qui comme un vampire, va le prendre, l'aspirer, l'absorber, le garder à jamais. Hurrah ! Vive Zigomar ! Mes amis, Zigomar a fait préparer ce ciment. Il est à prise rapide, instantanée, dans l'eau. L'eau va couler dans la cave, qu'elle transformera en cuve, le ciment y tombera, et ceux qui chercheront à se débattre dans cette boue dévorante verront tous leurs efforts demeurer vains. Ils seront enserrés, étouffés, dans un enlisement qui durcira aussitôt autour de leurs membres et dont rien ne pourra les détacher. Le cadavre de Paulin Broquet aura là une tombe pour l'éternité. Hurrah ! Et nous allons lui donner comme compagnon de funérailles ses deux lieutenants. Ils vont être, eux, tout vivants, dévorés par cette tombe vampire, pris et gardés à jamais dans cette enveloppe de ciment qui, en quelques instants sur eux, formera un cercueil de pierre contre lequel s'exerceront en vain les pioches et les piques du plus dur acier. Zygomar fit un signe. « Fais jouer l'eau, » dit-il. Un homme à cagoule noire alla vers le fond du hangar. Il tira sur un anneau. Paulin Broquet put voir qu'il l'amenait un peu du câble de fer qu'il avait tant intrigué tout à l'heure. Il entendit un bruit d'eau qui coulait. Il comprit que ce câble devait commander un robinet ajouté au conduit qui courait dans l'angle de la cave. En même temps, d'autres aides en cagoule noire versèrent sur le plancher les barils de ciment, vidèrent des sacs. Cela fit élever aussitôt une poussière épaisse. Ce nuage mit comme une barrière entre Paulin Broquet aux aguets et la troupe des aides qui s'éloigna de quelques pas. Mais ce nuage favorisa la sortie de l'amorce qui accourait au secours de son chef. Paulin Broquet aperçut son lieutenant dès qu'il apparut hors du trou de la trappe. Il alla à lui, le prit par le bras pour le guider. Il l'entraîna vivement dans sa cachette. « Va dehors, lui dit-il, donnez le signal. Que tous les hommes accourent. Mais vous, chef, vous n'allez pas rester là. Va vite donner le signal. Vous seul, contre tous, dépêche-toi. » L'amorce dut obéir. Avec la souplesse que nous lui connaissons, son agilité merveilleuse, son adresse, il se faufila le long des piles de sacs, contournant les barils. Il allait atteindre la porte quand deux hommes vêtus de cagoule noire sortirent du bureau qui servait de chambre aux veilleurs. Ces deux hommes portaient par les bras, par les jambes, le malheureux Gaston Soclet, l'amant désolé de Carmen d'Amata, qui pleurait en dormant ce sommeil profond, dont même le transbordement qu'on lui faisait subir ne parvenait pas à le tirer. L'amorce se tapit dans l'ombre pour les laisser passer devant lui. Les deux hommes allèrent jeter le dormeur, déjà semblable à un cadavre, à deux pas du groupe que formaient les cagoules rouges. « Mes amis, » dit alors l'homme à la cagoule au grand Z en or, « voici un compagnon en qui nous avons eu confiance, mais qui maintenant, parce qu'une femme qui l'aimait est morte, parle de nous quitter, de nous abandonner. Cet homme au cœur mou, qui pleure toute la journée une femme, cet homme dont l'âme se fond en larmes pour une femme, cet homme se sépare de nous ce soir. Demain, il nous trahira. Un homme qui est ainsi la proie d'un amour, qui est sous la domination d'une femme, qui cède à un chagrin, cet homme n'est pas digne d'être un Z, d'être avec Zygomar. Vous le savez, Zygomar veut qu'on soit lui, Zalavi, Zalamor. Oui, Zalavi, Zalamor. Eh bien cet homme qui n'est plus avec Zygomar ira rejoindre dans la mort ceux qui sont contre Zygomar. À mort ! Hurlèrent les aides. À mort, le traître ! Zygomar étendit la main. Faites ! Dit-il seulement. Les hommes aux cagoules noires traînèrent Gaston Soclet, toujours profondément endormi, et sans doute poursuivant encore son rêve douloureux, pleurant peut-être en ce moment sa Carmen d'Amata. Ils le traînèrent jusqu'au bord de la trappe, le jetèrent sur le tas de ciment qui s'accumulait. Alors, avec une barre de fer, d'autres aides en cagoule noire frappèrent contre le plancher. Paulin Broquet comprit maintenant pourquoi tout à l'heure il avait remarqué que ce plancher bougeait. Il ne s'était pas trompé quand il avait pensé que ce plancher était truqué comme un plancher de théâtre. En effet, à coups de barre de fer, les aides firent déclencher une poutre d'appui, et le plancher s'inclina. Le ciment commença à couler dans la cave, que l'eau envahissait peu à peu. Paulin Broquet pensa à son lieutenant Gabriel, qui se trouvait encore dans cette cave sinistre. Mais Gabriel savait ce qu'il devait faire. Gabriel s'échapperait, comme l'avait fait l'amorce, quand le moment serait venu. Or, tout à coup, le plancher cessa de s'incliner, s'arrêta dans sa pente, comme si quelque chose soudain le retenait, le supportait. « Défaites l'autre côté !» cria Zygomar. Les cagoules noires allaient frapper avec leurs barres de fer à l'autre bout du plancher. Un tonneau de ciment s'écroula, roula dans le trou de la trappe, toujours ouverte. En tombant dans la cave, il rencontra l'échelle et la brisa. Paulin Broquet frémit. C'était la fuite de Gabriel qui venait d'être coupée. Le détective, alors, vivement défit une corde qu'il portait autour des reins pour la jeter à son lieutenant. Mais à ce moment, sous les coups de barre de fer qui faisaient plus dense le nuage de poussière, le plancher s'inclina à nouveau plus fortement, entraînant avec les sacs et les barils le tas de ciment et le corps du malheureux Gaston Sauclet. Les aides poussèrent de nouveaux cris de joie devant la réussite de leur entreprise. Ils approchèrent du trou, maintenant très vaste, par où s'engouffraient sacs et barils de ciment qui se défaisaient en tombant et laissaient échapper leur contenu. Et ils traînèrent jusqu'au bord le cadavre de celui qu'ils prenaient toujours pour Paulin Broquet, afin de le jeter dans cette tombe vampire, comme l'avait désigné Zigomar. Mais à ce moment, la voix de la terreur d'Ornano, terrible, furieuse, se fit entendre, venant de la cave. « Zigomar, lâche, misérable, non, tu n'es pas le maître. Le vainqueur ce soir encore, c'est Paulin Broquet. » Il y eut un moment d'étonnement, de surprise chez les aides, ils s'arrêtèrent au bord de la fosse. « Comment ? » firent-ils. « La terreur est encore là-dedans ? Cet imbécile n'a pas pu sortir derrière la quiche. »« Moi ? » cria le colosse. « Moi, ça m'est égal de mourir ici. J'en suis même content, mais je serai vengé. Et celle que tu as assassinée, celle que j'aimais, elle aussi aura sa vengeance. Vive Paulin Broquet !» Un grand éclat de rire accueillit ces derniers mots. Les aides s'esclaffaient, mais leur rire cessa soudain. De la cave, comme lancé par une catapulte, jaillit un homme. Cet homme, tous les aides le reconnurent. « Gabriel ! » s'écrièrent-ils. Gabriel, jeté hors de la cave, tomba à quelques pas de Zigomar. Aussitôt, les aides en cagoule noire se jetèrent sur lui avant qu'il eût pu se remettre. « À mort, Gabriel » hurlait-il. « À mort, comme Paulin Broquet !» Ils allaient le rejeter dans la cave quand on le leur arracha des mains. Deux hommes en cagoule poussèrent des cris de douleur effroyables, chancelèrent et tombèrent dans la cave. Un autre, presque aussitôt s'abattit, et dégringola également dans le trou noir. Les autres, effrayés, stupéfaits, instinctivement s'écartèrent. Les cagoules rouges se tournèrent vivement du côté d'où partaient ces cris. Anxieux, ils dirigèrent les rayons de leurs lampes électriques vers l'endroit où cet événement inattendu, déconcertant, se passait. Ce fut alors dans ce cercle de lumière comme une apparition fantastique. La figure illuminée, les yeux pleins de feu, debout, semblant immense, deux aides abattues à ses pieds, le détective apparut comme s'il surgissait du sol, devant le gouffre noir, pareil au dieu vengeur survenant pour la punition des coupables, à l'heure de la justice, quand arrive enfin le châtiment mérité, au moment de l'apothéose. Un cri dont nul son ne peut donner l'impression, cri indescriptible, de terreur, de surprise, d'ahurissement, d'épouvante, sorti de toutes ces poitrines, qui à l'instant encore enfiévrées de joie, folles de leur victoire, clamaient leur triomphe. Paulin Broquet! Alors, ce fut superbe, magnifique. Paulin Broquet aida son lieutenant Gabriel qui se relevait. « Hardi, mon garçon, dit-il. » Et seul, il se précipita contre ces douzaines d'hommes, criant « À nous deux, Zigomar !»